Dieu, nous voulons voir ta gloire descend dans ces lieux parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descend dans ces lieux parmi nous. Au jour de Pentecôte, tes enfants sont là pour te chanter, te célébrer parce que tu y es bon. Et voilà, nous chantons ensemble